Chapitre 3e. La sonnette retentit et Madeleine, tirée de ses réflexions, actionna l'ouvre-porte. Aussitôt des voix se firent entendre dans l'entrée. Madeleine reconnut celle du commissaire, accompagnée du sergent de ville et du docteur Carrère. Madeleine fit entrer les trois hommes. « C'est au fond du couloir, sur la gauche, » indiqua-t-elle. Elle fut bien obligée de les suivre pour leur montrer le corps. « Voilà, c'est là, » dit-elle simplement. Les trois hommes firent cercle autour du mort et chacun garda le silence pendant une dizaine de secondes, contemplant la scène. Puis les langues se délièrent. Le docteur se pencha et examina la blessure en jetant un coup d'œil au coin de la paillasse. Il demanda de l'aide pour tourner légèrement le corps sur le dos. « Madame, s'il vous plaît, » demanda le médecin en montrant la porte du regard. Madeleine avait compris et sortira. Aidé des deux autres hommes, le docteur remonta la chemise du mort pour examiner son corps. Il ne releva aucune autre blessure. Ayant rabaissé la chemise, il rappela Madeleine. « Effectivement, M. Morel s'est fracassé le crâne en tombant sur le coin de fer du potager. C'est un accident banal, mais malheureusement fatal. C'est arrivé hier en tout début d'après-midi ou en fin de matinée. » Il se releva et se tourna vers le commissaire, attendant que ce dernier ajoutât quelques mots. « C'est un malheureux accident. » dit le policier à voix basse. « On ne prend jamais assez de précautions. » Le sergent de ville, Benjamin Dulot, ne voulait pas être en reste. Depuis 2 minutes, il considérait la scène avec circonspection. Il se racla la gorge avant de déclarer « Il y a tout de même quelque chose de bizarre. » S'il se préparait à enfiler son pantalon, pourquoi le tenait-il de la main droite par la partie gauche de la ceinture ? De cette façon, même avec un bon équilibre, il est impossible de passer son pantalon, à moins de sauter dedans, ricana-t-il. La plaisanterie ne fut guère appréciée. C'est vrai, dit le commissaire Bougon. Il s'est trompé, mais il s'y serait repris s'il n'était pas tombé. Certes, certes, remarqua le docteur. Mais pourquoi ne pas s'être appuyé justement contre le potager ? Il était tout à côté. Ma foi, réfléchit le sergent de ville. On peut remarquer que sa tête est à plus de 40 centimètres du pied de la paillasse. On croirait qu'il a rebondi après s'être cogné. « Mouais, » murmura le commissaire, peu convaincu par la remarque. « Et pourquoi enfiler son pantalon dans la cuisine ? » s'étonna le médecin. « Madame Morel, votre mari était-il coutumier du fait ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent frapper à cette porte ? » demanda-t-il en désignant la porte palière de la cuisine. Madeleine sembla se réveiller et secoua ses cheveux. « Oui, Madame Cohen qui me fait la lessive et Marie Pouleuf qui vient pour le repassage et le ménage. » Les trois hommes connaissaient bien Marie Pouleuf, jeune femme à corte qui faisait tourner bien des têtes dans le quartier. « L'un des deux a donc dû frapper à cette porte. Votre mari devait être en train de se changer. Il s'est précipité vers la cuisine, comptant filer son pantalon en chemin, et voilà. « Il était tellement pressé, remarqua le sergent, qu'il allait mettre son pantalon sans caleçon. » « Oui, bof, » dit le commissaire qui remarqua des signes de lassitude chez Madeleine. Il se souvint de la demande du maire de boucler rondement cette affaire. Il n'était pas nécessaire d'épiloguer. Le mort avait suffisamment entendu et, d'ailleurs, le faisait sentir. « Bien, » conclut le commissaire. « Nous allons vous laisser, Madame Morel. Le nécessaire va être fait auprès des pompes funèbres municipales. Vous serez prévenus dans l'après-midi. » « Auparavant, messieurs, ce serait bien aimable à vous de porter feu mon épouse sur son lit. Je pense que Marie et Madame Cohen m'aideront à l'habiller, mais même à trois, il sera beaucoup trop lourd pour qu'on puisse arriver à le soulever et à le déplacer. » Les trois hommes s'exécutèrent, deux par les épaules et un par les pieds. Dès qu'ils furent partis, Madeleine ouvrit toutes les fenêtres de l'appartement au risque de casser des carreaux par le courant d'air.